بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue inshallah ta'ala contre la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière, donc on avait parlé de l'avalanche des épreuves qu'avait touché le prophète عليه الصلاة والسلام. Donc ici on avait parlé de ce qui s'était passé à Taïf, et donc de la patience qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam. Et on était arrivé au retour à la Mecque, le retour du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est reparti de Taïf pour se diriger vers la Mecque, et on s'était arrêté la semaine dernière, je vous avais dit qu'il avait rencontré un groupe de djinns, d'accord, qu'il y a eu cette scène ou cette situation plutôt qui est exposée clairement dans le Coran al-Karim, dans les sourates que je vais citer inshallah ta'ala. Donc il y a la sourate les djinns et la sourate que je vais citer directement tout de suite inshallah ta'ala. Donc au cours de son séjour en ce lieu, c'est un endroit qui était entre Taïf et la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala ici a envoyé un groupe de djinns, et ce groupe de djinns a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Ça c'est les djinns, al-ayat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette situation dans le Coran al-Karim, dans surat 46 versets 29 à 31. Donc je vous cite ici ces versets coraniques avant de vous citer les versets qui sont les plus connus, je pense, de la part de la plupart d'entre vous de sourate les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate 46 verset 29: rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa récitation, c'est-à-dire du Coran, donc ici ils dirent: écoutez attentivement. Les djinns ont dit: écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs, ils dirent: ô notre peuple. Là on parle des djinns, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Il a créé les djinns et les hommes, pourquoi? Pour l'ibada, pour l'adoration. وَالْعِبَادَ, qu'est-ce que c'est que l'ibada? Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Mohamed. هذه هي العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى toutes les paroles et les actes apparents et cachés ici aimés et agréés par Allah سبحانه وتعالى font partie de l'عبادة, font partie de l'acte d'adoration, font partie des actes d'adoration plutôt. Comme dit شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, c'est un terme général, اسم جامع, concernant tout ce que Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. Ça, c'est ça l'ibada. Et Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Donc les djinns, écoutent, les djinns voient, les djinns parlent. Yarhamukallah. Wa hakada. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cette troupe de djinns, comme il a mentionné dans surat 46, verset 29-31. Et ici, je reprends simplement les paroles qu'il y a dans Sahibul Rahiq, donc le livre connu Rahiqul Makhtoum. Donc ici le nectar cacheté avec une traduction approximative, et alhamdulillah, car elle reprend les paroles de Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala dans Zadul Ma'ad. Donc je vous reprends simplement les paroles qui sont citées concernant le passage ou les passages qu'on va citer au jour d'aujourd'hui, qui nous importent au jour d'aujourd'hui. Donc ceux qui veulent faire une révision, vous pourrez retourner, du moins pour ce passage en tout cas, et à ce livre là qui est très connu. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ici cette situation: et puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple, c'est-à-dire les djinns, en avertisseurs, et dirent: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa alayhi salam, confirmant ce qu'il a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui, Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et ça prouve que les djinns font da'wah. Les djinns, ils font da'wah aussi. Donc ce groupe de djinns a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala de la bouche du prophète alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jal. Il rapporte encore ici des versets coraniques concernant cette situation dans sourate les djinns. Et Allah azza wa jal dit, tout le monde connaît et a au moins entendu au moins une fois, je pense, ces versets coraniques. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Regardez, les djinns se sont écartés de quoi? Al-shirk, al-shirk billah. Et ils disent quoi? Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent. Donc les djinns dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. Une lecture merveilleuse, Al-Qur'an Al-Karim, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Et, ba'd al-ulama, il dit, c'est comme si, et à Allah subhanahu wa ta'ala appartient à la transcendance absolue, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala réconfortait le prophète alayhi salatu wa sallam, et lui disait, si un groupe d'êtres humains ne t'a pas écouté, certes il y a un groupe de djinns qui t'a écouté. S'il y a des gens qui ont refusé ton appel, il y a d'autres ici, créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui écoutent ton appel. Allah azza wa jal réconforte le prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà qu'il se fait refouler par les gens de Taif, et voilà que le prophète alayhi salatu wa sallam réconforte le prophète alayhi salatu wa sallam. Voilà qu'Allah azza wa jal réconforte le prophète alayhi salatu wa sallam avec cette situation. Donc les djinns qui écoutent, yani les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Certains savants, minhum Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ont dit que ici, ça prouvait que c'était la première fois que les djinns ont écouté les paroles d'Allah Azza wa Jal, mais d'après les versets coraniques et les récits prophétiques authentiques qu'il y a, ils ne l'ont pas écouté une seule fois. Ils n'ont pas écouté qu'une seule fois le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wa sallam. Plusieurs fois. Lakin, ces versets coraniques prouvent que c'était dans cette situation bien précise-là, de son retour de Taif, c'était la première fois que les djinns écoutaient les paroles d'Allah Azza wa Jal sorties de la bouche du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il ressort du contenu de ces versets et de celui des rapports faits au sujet du commentaire de cet événement que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne savait pas que ce groupe de djinns était venu l'écouter. Donc l'auteur du livre qui dit cela, il ne le sut que lorsqu'Allah azza wa jalla lui fit savoir en lui révélant de tels versets. D'accord? Donc au moment présent, il n'était pas au courant que ces djinns yani l'écouter, mais il fut au courant que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets coraniques. Cela, il ne le sut que lorsqu'Allah azza wa jalla le lui fait savoir en lui révélant de tels versets. On en déduit également que c'était la première fois que les djinns assistaient à la récitation. Le contenu des rapports implique que les djinns sont à plusieurs reprises revenus écouter, c'est-à-dire les paroles d'Allah azza wa jalla dans la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Et les versets descendus en rapport avec l'événement renfermaient des annonces de la réussite de l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Précisant qu'aucune des forces de l'univers ne pouvait s'opposer à une telle réussite. Et Allah Azza wa Jal rappelle, et il dit dans le Coran Al-Karim, et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, voilà les versets coraniques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Comme il dit l'auteur, les versets descendus en rapport avec l'événement, en rapport avec l'événement. Et il cite les versets coraniques. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre. Et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident, comme ici Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Al-Qur'an Al-Karim. Et ici dans, yani, après son retour ici à la Mecque, il s'est passé un événement où il y a unanimité. Et les preuves sont tirées du Coran et sont tirés de la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a ijma' concernant cette situation très connue. Ici, ça nous sert de rappel. Je pense que la plupart le connaissent, cet événement très connu. C'est simplement al-isra wal-mi'raj. D'accord? Al-isra wal-mi'raj. On en a déjà parlé plusieurs fois. Lakin, à titre de rappel, incha'Allah ta'ala, comme, yani, on est arrivé dans cette situation, ou plutôt dans ce passage concernant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on le recite, incha'Allah ta'ala. Et je vais citer les paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Pour résumer un peu, car il cite ce qui s'est passé et ces événements. Après, je vous reciterai, si vous voulez, dans les détails, les hadiths rapportés par Muslim et Bukhari, inshallah ta'ala, et Ahmad et Abu Daoud, concernant le résumé d'Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans Zadul Ma'ad. À la kulli hal, il faut savoir que cet événement s'est passé avec divergence. Je dis bien avec divergence. À la kulli hal, on dira une dizaine d'années. Car il y a une divergence sur ce sujet-là. Et entre guillemets, ça nous importe peu, à partir du moment où il y a une grande divergence sur ce sujet-là, de savoir la date exacte. Pourquoi? C'est un peu la même chose que ce qui concerne la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez très bien que les gens, ou beaucoup de gens, plutôt parmi notre communauté avec le plus grand des regrets, ont utilisé la biographie, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam comme événement qui fait partie des innovations. D'accord ? C'est quoi cet événement-là ? Yani, ils ont prétendu qu'il fallait fêter, célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'on n'a pas le jour exact, yani, avec, plutôt on va dire la date exacte plutôt. Le jour c'est un lundi. La date exacte de la naissance du prophète alayhi salam. De même, Al-Isra wa al-Mi'raj. Al-Isra wa al-Mi'raj. Al-Isra c'est quoi? Le voyage nocturne. Al-Mi'raj, donc c'est connu, c'est l'ascension. Donc Al-Isra wa al-Mi'raj, cet événement-là, il s'est passé, on va dire, une dizaine d'années. D'accord? Une dizaine d'années après, bien sûr, la prophétie. On n'est toujours pas dans l'immigration ici. Hein. On a toujours pas parlé de l'immigration de l'Hijra. D'accord? Min Mecca ila al-Madina. Donc ici, après la prophétie. Et concernant la date exacte, on n'en a aucune preuve. On n'en a aucune preuve. Alhamdulillah. Et nous disons Alhamdulillah. Pourquoi? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi cet événement pour yani, faire des prières particulières pendant la nuit, ou alors yani, embellir les mosquées, ou certains se réunissent pour lire la biographie du prophète, ou je ne sais quoi encore. Tout ceci fait partie des quoi? Des innovations. Et il n'y a aucune preuve concernant yani, ces pratiques, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc ici tout ce qui n'est pas apporté par le prophète عليه الصلاة والسلام dans cette religion est rejeté. D'accord? Nous on n'est pas mieux que le prophète عليه الصلاة والسلام. Et Allah عز وجل a légiféré des choses au prophète عليه الصلاة والسلام, des actes d'adoration, des pratiques religieuses. On doit s'en tenir à ces actes d'adoration et ne rien rajouter, inshallah ta'ala. Et selon Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, d'accord, il résume des paroles qui sont tirées des hadiths rapportés par l'imam, particulièrement Al-Bukhari, l'imam Muslim, et on retrouve des parties de ce qu'a cité Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans des récits rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad, et on verra, je rajouterai ici un ou deux hadiths rapportés par Ahmed et Abu Daoud, et concernant Ahmed, c'est toujours dans son Musnad. Selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam fit le voyage nocturne, corps et âme, car il y a une divergence entre savants. Certains savants, ils ont dit que ils ont apporté des preuves et ils ont fait leur ijtihad et ils ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait yani, le voyage nocturne que par l'âme. D'accord? Ce voyage a été fait que par l'âme. D'accord? On va dire c'est que l'âme qui a voyagé. Et là, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres, wa hadha qawlu rajih wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, a dit ici que le prophète alayhi salam a fait ce voyage nocturne ici corps et âme. De la sainte mosquée. Et là, on parle de Al-Isra. Le voyage nocturne, c'est de la sainte mosquée, c'est-à-dire de Beytul Haram, ici Mecca, donc à quoi? Beytul Maqdis, d'accord? Al-Quds, donc à Jérusalem. Donc ici, la mosquée à Jérusalem, d'accord? Al-Quds. Et donc, monté sur Al-Buraq. Comme il aurait été dans le hadith rapporté par Muslim, je reprendrai des parties du hadith muslim, rapporté par Muslim si vous voulez. Donc, c'est ça Al-Isra, c'est le voyage nocturne. Le voyage nocturne, c'est Al-Isra. Je répète ici parce qu'il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans. Ils ont lu la biographie du prophète alayhi salam. Quand tu dis c'est quoi l'Isra et c'est quoi le Mi'raj, ils ne savent pas. On a besoin du rappel et on a besoin de répéter les choses. Al-Isra, ça doit être gravé dans nos têtes à vie. Al-Isra, c'est le voyage nocturne. D'accord? Donc, de la mosquée sacrée, de la Mecque, donc ici à la mosquée sacrée à Jérusalem, Al-Quds. Donc, et Al-Mi'raj, c'est l'ascension. C'est l'ascension. Et la Sama, d'accord? Dans les cieux. Donc ici on va parler de Al-Isra et ensuite de Al-Mi'raj. Al-Isra, ce voyage nocturne a été accompli, ce voyage-là, par le prophète alayhi salam, monté sur Al-Buraq. Et on va parler de ce que c'est qu'Al-Buraq. Monté sur Al-Buraq et en compagnie de Jibril alayhi salam. Il descendu à Jérusalem, dirigea la prière des prophètes. D'accord, dirigea la prière des prophètes, comme il aura été dans un hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wassalam arrivé à Jérusalem, Al-Quds, donc ici Baytul Maqdis, ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a dirigé la prière et derrière lui l'ensemble des prophètes et des messagers. Et ça prouve, et c'est ce qu'ont dit les savants, il y a des versets coraniques qui le prouvent de toute manière, on a déjà vu ces versets coraniques dans les chapitres de Aqida, lakin ça c'est parmi les preuves qui prouvent ici que le prophète alayhi salatu wassalam est le meilleur des prophètes et envoyés. Parce que c'est qui a dirigé la prophète, qui a dirigé la prière, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais derrière lui, il y avait qui? عيسى عليه السلام, موسى عليه السلام, يوسف عليه السلام. على كل حال, comme on dit les savants, l'ensemble des prophètes et des messagers, ils étaient derrière le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ça, ça prouve encore que quoi? Que Baytul Maqdis a une importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une mosquée sacrée. Et c'est une mosquée ici que nous, on doit donner, yani, on doit avoir le souci quant à cette mosquée. Et on doit toujours avoir cette envie aussi de prier dans cette mosquée. Car cette mosquée fait partie des mosquées et des endroits sacrés. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ça a été un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il a prié dans cette mosquée et il a été imam et présidé la prière pour l'ensemble des prophètes et des messagers. Voilà que le prophète alayhi salatu wassalam dirige la prière des prophètes. Donc je vous cite ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zadul Ma'ad et autres, vous pouvez retrouver ses paroles. Alors qu'Al-Buraq restait attaché à la porte de la mosquée. Ensuite, on le fit monter la nuit même, on le fit monter, et c'est ce qu'on appelle Al-Mi'raj, l'ascension. Donc on le fit monter ici, la nuit même, de Jérusalem au ciel le plus proche. Donc il est monté dans les cieux, au ciel le plus proche avant tout. Au ciel le plus proche. Arrivé au premier ciel, donc essayez de retenir ici, yani, le nom de ces prophètes ici, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, arrivé au ciel, yani, au premier ciel, Jibril demanda qu'on lui ouvrit la porte. Celle-ci fut ouverte. Il vit qui d'abord? Adam alayhi salam. C'est connu ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Adam alayhi salam. Donc il vit Adam alayhi salam au premier ciel. Et donc le père des hommes, alors il le salua et celui-ci lui souhaita la bienvenue. Il lui souhaita la bienvenue, il lui dit marhaban. Il lui dit marhaban. D'accord? Et les savants ont dit que ça c'est la preuve que ce n'est pas une innovation, le fait de dire marhaban à une personne. Parce que certaines personnes disent, quand ils entendent d'autres termes employés pour passer le salut, ici, dès qu'ils entendent un autre terme que assalamu alaykum, ou assalamu alaykum wa rahmatullah, ou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou fi riwaya sahiha wa maghfiratu, ils disent que c'est une innovation. Et ça, c'est la preuve que de dire marhaban, ce n'est pas une innovation. Mais al-awla, ce qui est en prioritaire, bien sûr, c'est d'abord de passer le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Hada yakfi. Et tu as droit de dire ensuite marhaban. Ahlan wa sahlan. Ça c'est autorisé. Et ici, ils ont répondu marhaban. Donc, avec une traduction approximative, bienvenue. Naam. Donc, ensuite il le salua et celui-ci lui souhaita la bienvenue. Lui rendit le salut et reconnut sa prophétie. Allah montra ensuite à son messager l'esprit des martyrs à sa droite et celui des méchants à sa gauche, dans une version authentique. Ensuite, on le fit monter au deuxième ciel. D'accord, il est monté au deuxième ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on lui ouvrit la porte. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam trouva au deuxième ciel. Il trouva qui au deuxième ciel? Qui? Yahya alayhi salam. D'accord, Yahya ibn Zakaria et Isa ibn Maryam. D'accord, il y trouva les deux. Retenez bien, au deuxième ciel, Isa alayhi salam. Au deuxième ciel. Certains vont dire, et certains disent, comment ça se fait qu'Isa est qu'au deuxième ciel? Et d'autres l'ont devancé. Alors que Isa alayhi salam fait partie des cinq doués de détermination. Ulul azm. D'accord? Comme Allah azza wa jalla cité dans le Coran al-Karim. On va voir ici qu'est-ce qu'on dit les savants. D'accord? Il trouva Yahya ibn Zakaria. D'accord? Alayhi salam. Et il trouva aussi Isa ibn Maryam. Adam au premier ciel. Ici, au deuxième ciel, Yahya et Isa ibn Maryam alayhi salam. Et il les rencontra et les salua de la même façon. Ceux-ci lui rendirent le salut, lui souhaitèrent la bienvenue aussi, disent marhaban, et reconnurent sa prophétie. Ensuite, on le fit monter au troisième ciel, où il trouva Yusuf alayhi salam. Adam, Yahya et Isa, ensuite Yusuf alayhi salam. Donc il trouva Yusuf alayhi salam, le salua, celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue, reconnut sa prophétie. De même, il poursuit le prophète alayhi salatu wassalam accompagné de Jibril alayhi salam. Donc ensuite, il poursuit. Et on le fit monter au quatrième ciel où il trouva Idris alayhi salam. Quatrième ciel, après Youssouf, c'était Idris alayhi salam. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. De même. Et yarhamukallah. Ensuite, on le fit monter au cinquième ciel où il trouva Harun ibn Imran alayhi salam. Harun, au cinquième ciel. Et le salua. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Ensuite, on le fit monter au sixième ciel où il rencontra Moussa ibn Imran alayhi salam et le salua. Au sixième ciel, il y avait Moussa alayhi salam. Celui-ci lui rendit le salut, lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. lorsqu'il eut dépassé Moussa, celui-ci pleura. Quand il a dépassé Moussa, alayhi salam, la version est authentique ici, hein, il a vu Moussa, alayhi salam, en train de pleurer. Et Moussa, alayhi salam, lui demanda, le prophète lui demanda, pourquoi pleures-tu? Moussa répondit, je pleure parce qu'on a après moi, Moussa dit, je pleure parce qu'on a après moi envoyé un jeûne. Et les savants, ils ont dit, un jeûne, ce n'est pas pour rabaisser le prophète, alayhi salatu wa salam, abadan. Ce n'est pas pour rabaisser, pour dire qu'il ne vaut rien. Hasha wa kalla. Il dit un jeûne, d'accord, dont le peuple comportera plus que le mien, c'est-à-dire en nombre. Donc Moussa alayhi salam a pleuré, comportera plus que le mien en nombre, un nombre d'entrants au paradis. D'accord? Ensuite on le fit monter au septième ciel où il rencontra Ibrahim alayhi salam et le salua. Celui-ci lui rendit le salut et lui souhaita la bienvenue et reconnut sa prophétie. Ensuite on le fit monter vers, bon, certains disent le jujubier céleste, d'autres l'appellent le lotus de la limite, yani ça reste des traductions approximatives. Ala kulli hal, en arabe c'est Sidratul Muntaha, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran al-Karim. D'accord, soit le jujubier céleste ou bien le lotus de la limite al-Muntaha. D'accord, et après vers Baytul Ma'mour. Donc il fit monter vers Sidratul Muntaha et ensuite vers Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour, et on va en parler inshallah ta'ala rapidement de Baytul Ma'mour. Idha kana al-Isra يعني من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. D'accord? Et wal Mi'raj min al-Masjid al-Aqsa ila as-sama' as-sabi'a. D'accord? Donc on a dit que al-Isra c'était un voyage nocturne de la mosquée sacrée à la mosquée de al-Aqsa à Jérusalem, et le Mi'raj c'est de la mosquée d'al-Aqsa. D'accord? Donc c'est-à-dire l'ascension ici au ciel. D'accord? Ou plutôt aux cieux. Donc ici pourquoi certains savants ont dit, si quelqu'un demande et interroge, il dit comment ça se fait que Isa alayhi salam ici fait partie des cinq doués de détermination, il se retrouve au deuxième ciel. Il se retrouve au deuxième ciel. Alors que plus loin, ici on trouve simplement par exemple au cinquième ciel. On trouve au cinquième ciel qui? Harun alayhi salam. Dis comment ça Harun au cinquième ciel et Isa au deuxième ciel alors que Isa alayhi salam fait partie des cinq doués de détermination. Et les savants ont simplement dit que ça c'est une hikmah de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que certains savants ont dit, ils ont apporté ces paroles là en disant que une des sagesses c'est que Isa alayhi salam, vous savez qu'il va redescendre sur terre ici dans les derniers instants de la fin du monde. D'accord? Et c'est Isa alayhi salam va redescendre sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas élevé jusqu'au dernier cieux, tout simplement pour rappeler que Isa alayhi salam doit encore redescendre sur terre. D'accord? Donc le laisser où il le laisse, comme si Allah subhanahu wa ta'ala le laissait, ce n'est pas une parole, c'est la parole des savants, hein, comme si Allah subhanahu wa ta'ala le laissait au deuxième ciel, parce qu'il doit encore redescendre et pour qu'il reste rapproché ou approché ou proche plutôt du ciel qui ou de la terre. D'accord? Donc ici, hikmatullah ala kulli hal. Donc ça c'est les savants qui disent, lakin ala kulli hal, on n'a pas droit de se dire mais pourquoi Allah a fait ceci. S'il n'y a pas de preuve, on s'arrête là. Mais je vous cite simplement certaines paroles et années de savants. D'accord? Donc ici, ensuite on le fit monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on le fit monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc duquel il s'approcha alors au point de n'en être séparé que par la longueur de deux arcs au moins. Allah lui révéla ce qui lui révéla et lui imposa 50 prières. Et lui imposa 50 prières. D'accord? Donc là, ici, c'est simplement pour que vous ayez bien l'histoire dans la tête. Ensuite, on reprend, si vous voulez, si on a le temps, dans les détails, tous les hadiths. Donc ici, ensuite, de Sidratul Muntaha, Baytul Ma'mour, de Baytul Ma'mour, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il est jusqu'à ce qu'il soit arrivé près ou proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a parlé directement au prophète alayhi salatu wa salam. D'accord, de vive voix, et il lui a ordonné 50 prières pour sa communauté. 50 prières, d'accord. Et vous connaissez ce hadith, hein, et ce récit prophétique. Et s'en retournant, le prophète alayhi salatu wa salam passa devant Moussa alayhi salam. Donc après qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné 50 prières, d'accord, qui lui demanda, que t'as-tu ordonné de faire? Il répondit, 50 prières. Moussa lui dit, qu'est-ce qui t'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, Allah m'a ordonné 50 prières. Moussa alayhi salam, il lui dit, ton peuple ne supportera pas cela, retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui de réduire cela pour ton peuple. Il dit, ton peuple ne supportera pas les 50 prières. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se retourna vers Jibril, alayhi salam, comme pour lui demander son avis. Celui-ci fit un signe voulant dire, oui, si tu veux. Comme cite Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala. Et ensuite, il le fit monter jusqu'au Tout-Puissant, qui était à sa place. Selon la formulation d'Al-Bukhari, à certains égards, Allah défalqua, ou alors, yani, Allah diminua, yani, à 10 prières. D'accord? Les 50 prières. Donc, quand il retourna vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah Azza wa Jal a diminué, donc ça c'est le récit d'Ibn al-Qayyim, il passe de 50 à 10, a diminué à 10 prières. Et le prophète alayhi salatu wa salam redescendit, passa devant Moussa alayhi salam et l'informa. Donc Allah Azza wa Jal a réduit le fait qu'il était imposé à la communauté du prophète 50 prières, donc il a réduit ces 50 prières à 10 prières simplement. 50 prières on les aurait fait, hadith wa la haraj. Déjà 5 prières, Allah al-Musta'an. Et donc ici, à ce moment-là, celui-ci dit, retourne à ton Seigneur, c'est-à-dire Moussa, et demande-lui de te réduire encore. Dis prière, lui dit, demande-lui de te réduire encore. Ainsi, le messager d'Allah ne cessa de faire la navette entre Moussa et Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il ne resta que 5 prières. D'accord? Et Moussa lui conseilla de retourner demander une réduction, mais il dit, j'ai honte de mon Seigneur. Moussa lui dit, va encore demander une réduction. Et le prophète, alayhi salam, il n'a pas osé retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me contente des 5. Lorsqu'il se fut éloigné, quelqu'un appela et dit, j'ai imposé mon obligation et soulagé mes serviteurs. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qui est relaté par Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et celui-ci, à deux fois de suite, a été vu par Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui-ci, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. On avait vu déjà que Jibril alayhi salam est apparu une première fois, sous sa vraie apparence, au prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, Jibril alayhi salam, comme Allah azza wa jalla a mentionné dans le Coran al-Karim, il a vu le prophète alayhi salam, il a vu Jibril alayhi salam une deuxième fois. Donc celui-ci, c'est-à-dire yani, Jibril, a deux fois de suite, a été vu par Muhammad alayhi salatu wassalam sous sa forme véritable. Une fois sur terre et une fois au jugement céleste. Sidratul Muntaha, ou alors ici le lotus de la limite. Mais Allah sait mieux que quiconque ce qu'il en est exactement, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa sahibu al-Rahiq. D'accord? Donc le nectar cacheté, l'auteur du nectar cacheté. D'accord? Ici, si vous voulez, on reprend certains hadiths rapidement, hein. Si vous voulez plus de détails, il y en a les preuves de ce qui a été apporté. Bon, les hadiths sont très longs, c'est pour ça que je ne voulais pas trop reprendre. À la kulli hal, rapidement, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, le hadith est rapporté par l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit al-buraq. Al-Buraq. Donc on a parlé de Al-Buraq. Et le hadith est rapporté par Muslim. Et il dit, c'est une monture blanche. Une monture blanche plus grande qu'un âne. Plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule. Qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait. Me fut amené. Je la montai et fut transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je pénétrai dans la mosquée où je priais 2 rak'at. À ma sortie, Jibril alayhi salam m'offrit 2 récipients. À ma sortie, voilà les paroles qui sont rajoutées dans le hadith de Muslim et qui ne sont pas mentionnées ici. Ici, à ma sortie, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Jibril alayhi salam m'offrit 2 récipients. Ensuite, il dit, l'un contenait du vin et l'autre contenait du lait. Je choisis le lait. Et Jibril me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale, ou al-fitra. Portée par lui, je m'élevais jusqu'aux régions célestes. Jibril demanda la permission d'y accéder. D'accord? Il a akhir al-hadith. Et donc ensuite, c'est le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Donc ici, les récits qu'on a en plus, c'est qu'il a été proposé 2 récipients au prophète alayhi salatu wassalam. Un de lait et un de vin. Et dans une version authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il lui a été dit, si tu avais bu le récipient de vin, ta communauté se serait égarée. Ta communauté se serait égarée. Et là, on a la description de Al-Buraq. La description d'Al-Buraq. Et d'après l'imam Malik, d'accord, d'après Malik, Ibn Sa'sa'a, radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim aussi, pendant que je me trouvais auprès de la maison sacrée Al-Ka'ba, dans un état intermédiaire entre le réveil et le sommeil, j'entendis quelqu'un appeler, d'accord, L'homme se trouvant entre les deux autres. Il y avait selon les commentaires deux hommes à côté du prophète alayhi salatu wassalam. J'y répondis. On m'emmena et m'offrit ensuite un bassin d'or rempli de l'eau de Zemzem. Voilà encore un autre renseignement qui n'est pas cité ici dans les paroles d'Ibn al-Qayyim. Donc ici dans le hadith rapporté par Muslim, on m'emmena et m'offrit ensuite un bassin d'or rempli de l'eau de Zemzem. Rempli de l'eau de Zemzem. Donc ici, ça rappelle encore les bienfaits, d'accord, et la faveur qui est donnée à celui qui boit l'eau de Zemzem. Celui qui a l'opportunité de boire l'eau de Zemzem, qu'il en boive au maximum, inshallah ta'ala. Et on me fendit la poitrine d'ici jusque-là. Le prophète alayhi salam, il a fait signe avec sa main. Donc on lui a fendu sa poitrine. D'accord? Est-ce que le prophète, on lui avait déjà fendu la poitrine? Une première fois, on avait vu. D'accord? Lors de sa jeunesse. On avait déjà expliqué la situation. Et une deuxième fois dans le hadith rapporté par Muslim. Donc les savants, ils ont dit, c'est une deuxième fois que sa poitrine a été fendue. Donc, ici, on est arrivé à la deuxième fente de la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, il dit, on me fendit la poitrine d'ici jusque-là. Un autre transmetteur, Qatada, s'enquérit. Et qu'a-t-il entendu par d'ici jusque-là, jusqu'au bas-ventre? Répliqua Anas. On m'extraira le cœur, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ou plutôt, on m'a extrait le cœur, dit le prophète. Et après l'avoir lavé avec l'eau de Zemzem, on me le remit à sa place en le remplissant de la foi et de al-hikmah, la sagesse. D'accord? La foi et al-hikmah. Et on en a parlé de al-hikmah plusieurs fois. D'accord? Donc, on m'a rempli mon cœur de la foi et de al-hikmah. Puis, me fit amener al-buraq, une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, sur laquelle on me fit monter. Puis, je m'en allais avec Jibril alayhi salam jusqu'à atteindre le ciel le plus proche, où il demanda qu'on nous ouvre. Qui est-ce? Il a akhir al-hadith. Donc, ensuite, le hadith. Ici, je ne reprendrai pas les paroles qu'on a citées. C'est-à-dire, où le prophète alayhi salam a rencontré différents prophètes ici dans les différents cieux. D'accord? Donc ici on a aussi un hadith rapporté par Muslim tout le temps, hein, toujours, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu arda. Le hadith est rapporté par Muslim. D'accord? Ici j'ai préféré utiliser cette technique pour que ça soit clair au début de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite on rentre plus dans les détails petit à petit, inshallah, pour que ça soit retenu. D'après Ibn Abbas rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam évoquant son voyage nocturne. Le voyage nocturne c'est quoi? Al-Isra, son voyage nocturne, dit Moussa alayhi salam, d'accord, donc quand on parle de voyage nocturne, c'est Al-Isra ou Al-Mi'raj, bien sûr, donc l'ascension aussi. Donc ici, il dit, c'est-à-dire dans les hadiths comme ça, hein, il dit, Moussa alayhi salam était brun. Donc là, on voit que quoi, d'après ces hadiths, que vous pouvez retrouver dans Sahih Muslim, ici, le prophète alayhi salam a vu Moussa, et l'a tellement bien vu, était tellement proche de lui, qu'il les a décrits. Il a décrit Moussa alayhi salam, il a décrit Ibrahim alayhi salam, et il a vu Al-Masih al-Dajjal. D'accord? Il a vu même Al-Masih al-Dajjal lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, ou bien on va dire Al-Mi'raj, ou on peut dire Al-Isra ou Al-Mi'raj. D'accord? Le voyage nocturne et l'ascension, car ça s'est passé dans la même nuit. D'accord? Donc il dit Moussa alayhi salam était brun et de haute taille. Il était brun et de haute taille. On en dirait un homme de la tribu de Shanoua. Quant à Isa alayhi salam, il était d'un corps charnu et de taille moyenne. Ça, c'est Isa alayhi salam. Le prophète mentionna aussi Malik, le gardien de l'enfer, et Al-Masih al-Dajjal. Donc ça, les savants ont tiré de ce hadith, et d'autres hadiths aussi de toute façon, hein, authentiques, que le prophète alayhi salatu wassalam a vu le Masih al-Dajjal lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj. D'accord? Non. Et dans un autre hadith de Muslim selon Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il était comme le prophète alayhi salam passait par la vallée d'Al-Azraq. Il demanda quelle est cette vallée, on lui répondit c'est la vallée d'Al-Azraq. Le prophète alayhi salam dit alors il me semble voir Moussa alayhi salam descendre du haut du plissement en faisant la talbiya à haute voix. Ensuite ayant passé par le plissement de Harsha, il demanda quel est ce plissement. C'est le plissement de Harsha, lui répondit-on. Le prophète alayhi salam dit alors il me semble voir Younous alayhi salam et vêtu d'une tunique de laine et enfourchant une grosse chamelle rousse dans la bride, dont la bride est en fibre, en train de faire la talbiya. Donc ça c'est concernant certaines descriptions aussi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith toujours rapporté par Muslim selon Abi Huraira, il dit lors de mon voyage nocturne, donc lors de Al-Isra ou Al-Mi'raj, je rencontrai Moussa alayhi salam, c'était un homme fébrile, aux cheveux ni très lisses, ni très hérissés, dont on dirait un homme يعني de la tribu de Shanoua, je rencontrais aussi Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, c'était un homme de taille moyenne, rougeau, d'accord, de tel homme qui vient de sortir du bain, d'accord, avec les joues un peu rouges, yani, tel homme qui vient sortir du bain. Je vis également Ibrahim alayhi salam. De ses descendants, c'est moi qui lui ressemble le plus. Le prophète alayhi salam, il a vu Ibrahim, il a dit, c'est moi qui lui ressemble le plus. Donc à Ibrahim alayhi salam. Concernant sa descendance, il dit, de ses descendants, c'est moi qui lui ressemble le plus, alayhi salatu wasalam, et ce sont les deux amis Khalilayn, les deux amis intimes d'Allah, yani Ibrahim alayhi salam et le prophète alayhi salatu wasalam. Ensuite, on m'offrit deux récipients, l'un contenait du vin et l'autre contenait du lait. Bois celui des deux que tu voudras. Il lui a été dit au prophète alayhi salatu wasalam, me dit-on, je pris le lait et le but, et on lui a dit, tu as élu la voie primordiale ou al-fitra, yani, et ajouta-t-il, si tu avais pris le vin, ta communauté aurait été égarée. D'accord ? Ça, c'est le hadith rapporté par Muslim concernant ici la situation. D'accord ? De Al-Isra wa Al-Mi'raj. Et toujours rapporté par Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, une nuit, je me suis vu en songe auprès de la Kaaba. D'accord ? Où j'ai vu un homme brun, le plus beau brun que vous puissiez voir. Un homme brun, le plus beau brun que vous puissiez voir. Il avait les plus beaux cheveux descendant derrière ses oreilles. Descendant derrière ses oreilles. Il dégouttait encore d'eau comme s'il venait de les peigner. Il était appuyé sur deux hommes, ou suivant une variante, soulevé sur les épaules de deux hommes et faisant ainsi le tawaf, les tournées rituelles autour de la maison sacrée. Je demandais qui était-il et on me répondit, c'est Isa ibn Maryam. Je vis ensuite un homme. Yani aux cheveux crépus, il était borgne de l'œil droit, et celui-ci ressemblait à un grain de raisin saillant. Je demandais qui était-il, et on me répondit, c'est Al-Masih Ad-Dajjal. Donc ici on parle de qui ? De l'Antéchrist. D'accord ? De l'Antéchrist. Donc ici, ça c'est quelques yani, hadiths qui complètent un peu les paroles qu'on a apportées ici. Donc il y a un hadith de Aïcha qui est très long aussi, je ne le citerai pas. يعني donc ça on a déjà cité ces paroles là d'am et le reste inshallah ta'ala je le citerai dans le hadith rapporté par Abu Dawud, on le verra par la suite. D'accord. Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, il note, le hadith est authentique aussi hein. Le lendemain matin, donc après cet événement al-Isra wa al-Mi'raj, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam informa son peuple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré comme grand signe. D'accord. Il informa son peuple. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud et Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète alayhi salam, lors de l'Isra wa al-Mi'raj, vous connaissez le hadith, vous l'avez déjà entendu, il a vu aussi des gens qui se griffaient le visage. Des gens qui se griffaient le visage. Ça, c'était toujours dans la nuit de l'Isra wa al-Mi'raj. Ils se griffaient le visage. D'accord ? Avec quoi ? Des ongles en cuivre. D'accord ? Et ici, le prophète al-Islam, il lui a été informé que c'était qui ? C'était les gens qui calomniaient, qui portaient atteinte à l'honneur des autres. Ceux qui quoi ? Qui touchaient à l'honneur des autres. Et qui passaient leur temps à quoi ? À calomnier, médire, etc. Jusqu'à porter atteinte à leur réputation, wal-iyadu billah, à leur honneur. Al-ird, wal-iyadu billah. Et comme le prophète al-Islam a dit et a mentionné dans un hadith rapporté par Muslim, que yani, l'honneur du musulman, yani, comme son sang, d'accord, comme ses biens, sont sacrés. D'accord. Et ça, c'était des gens que le prophète a vus lui-même, corps et âme, la nuit de l'Isra ou le Mi'raj, ces gens-là qui se griffaient le visage, wal-iyadu billah, et s'il est mentionné dans le hadith authentique, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour nous mettre en garde sur le fait de quoi ? Toucher à l'honneur des croyants. Et Allah Azza wa Jalla rappelle dans le Coran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. D'accord ? Comme on l'a vu et on l'a répété souvent, ceux qui portent atteinte aux croyants et aux croyantes, sans qu'ils n'aient rien fait ou sans qu'ils ne les méritaient, ils se sont chargés بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. D'accord ? D'une calomnie et d'un grave péché. Avec une traduction approximative, donc ici ça nous rappelle qu'il faut retenir et tenir sa langue. Et ne pas tomber dans cette nouvelle mode, le fait de toucher à l'honneur wal-iyadu billah de nos frères et sœurs. Quand tu entends une personne qui parle de ton frère, n'importe quelle personne, et cette parole peut t'amener, yani, cette personne à toucher à son honneur, wa al-'ayyadu billah, écarte-toi, ya akhi al-karim, écarte-toi. La nuit de l'Isra wa al-Mi'raj, rappelle-toi toujours de ce hadith authentique, le prophète alayhi salam a vu ces groupes de personnes, ces personnes-là qui se griffaient le visage, wa al-'ayyadu billah, ici avec, yani, des ongles en cuivre ou en fer. Mais dans le hadith, c'est en cuivre. Hein. D'accord? Et ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, pour arriver vers la fin, il rappelle ce qui s'est passé le lendemain de cet événement-là, et il dit le lendemain matin, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, informa son peuple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré comme grand signe. Alors ceux-ci le démentirent formellement, le maltraitèrent avec acharnement. Ils lui demandèrent de leur décrire Jérusalem. Donc ils lui ont dit, si toi t'as été là-bas. Donc ils ont voulu le défier. D'accord? Et ils y croyaient pas. Et ils ont dit, bah décris-nous. Yani Jérusalem. Et c'était les personnes qui avaient déjà été à Jérusalem. Donc décris-nous Jérusalem. Allah aussitôt lui éclaira, yani la ville. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a éclairé et lui a donné cette vision-là. Lui éclaira la ville pour lui permettre de bien la voir. Ils commencèrent à l'interroger sur les signes qu'il avait vus, mais ne pouvaient rien réfuter de ce qu'il avançait. Le prophète alayhi salatu wassalam les informa sur la position et le retour de la caverne chargée de leurs marchandises à eux. Il les informa du moment auquel devait arriver cette caravane. Il les informa du chameau qui ouvrait la marche et toutes les informations qu'ils apportaient correspondaient à la réalité. Et il leur a donné des détails que eux seuls pouvaient connaître. Et que le prophète alayhi salam, c'était inimaginable qu'il puisse connaître yani ces détails-là. Toutefois, tout cela les rendit plus hostiles que jamais, car les injustes qu'ils étaient ne pouvaient que renier. Car un kafir ou une personne qui ne veut pas la vérité, tu as beau lui montrer des miracles, tu lui as beau lui montrer et lui prouver par A plus B qu'il est égaré, ça soit n'importe quelle personne, à partir du moment où il a une maladie, qu'il n'a pas guéri cette maladie-là, il va rester têtu, wal'iyadu billah. Il va rester têtu, parce que lui, al-asl, à la base, il ne veut pas la vérité, mais il veut te faire du mal. Quand il t'interroge, et ça c'est connu chez la majeure partie des gens, quand une personne yani, te pose des questions, et lui, son intention est mauvaise, ce n'est pas d'avoir la réponse adéquate, mais c'est simplement de te faire du mal, ou de t'humilier, ou de te déstabiliser, que tu lui apportes les preuves authentiques, réelles, vraies, il ne te croira pas. Pourquoi il est malade? Et son intention, ce n'est pas d'avoir la réponse adéquate, et vraie, et bonne, et authentique. Lakin, ici, son but principal, wal'iyadu billah, c'est simplement de te déstabiliser, de t'humilier. C'est pour ça qu'il y a des personnes, yani, ils parlent et ils disent n'importe quoi concernant yani, des versets coraniques quelquefois ou des récits prophétiques authentiques, etc. Et quand tu leur apportes les preuves, ils disent, mais non, tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à la base, il ne veut pas la vérité. Il est malade. Ça, c'est des gens malades. Et à plus grande échelle, et à plus forte échelle, bien sûr, hein, à plus grand degré, c'est la même maladie qu'avaient bien sûr ici les Quraysh et les associateurs qui n'ont pas voulu croire le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si vraiment ils avaient une bonne intention, après qu'il aurait décrit ces choses-là, ici ils auraient cru, mais ils n'ont pas cru. Car ici, leur intention était mauvaise. C'est pour ça que quand tu vois une personne qui reste polémiquée avec toi, et bien que tu lui apportes les preuves, Allah Azza wa Jal a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Sache que cette personne est malade. Cette personne est malade. Et donc, en fin de compte, il ne veut pas la vérité. Donc, entre guillemets, yani, fatigue-toi ou ne te fatigue pas, il n'acceptera pas. Ici, il n'acceptera pas tes paroles. D'accord? Et ici, concernant les maladies du cœur, bien sûr, ici, on en parlera, yani, inshallah ta'ala, dans mardi, dans la conférence, car il y aura une conférence, il y a des frères qui m'ont demandé, yani, si on pouvait reprendre le sujet de concernant tafsir al-Qur'an al-Karim. Donc, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Donc, on est arrêté avec le verset coranique de Surat al-Ahzab. Et ceux qui ont des maladies dans leur cœur, on avait parlé et rapporté les paroles de Ibn Khudam al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, repris par Ibn al-Jawzi al-Ghazali, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Et donc, on va reprendre depuis le début, concernant les maladies du cœur. Et mardi, entre le Maghrib et l'Isha, une sorte de petite conférence, à la kulli hal. Et année, je vais reprendre du début pour parler de toutes les maladies du cœur, les causes des maladies du cœur et les remèdes des maladies du cœur. D'accord? Donc, inshallah ta'ala, cette conférence, ou yani, cette muhadhara, cette exhortation sera enregistrée, inshallah ta'ala, bi'idnillah et tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, ici pour terminer ici concernant al-Isra wa al-Mi'raj, car je ne veux pas donner trop d'informations d'un coup, sinon le but ce n'est pas d'emmagasiner beaucoup d'informations, mais c'est un peu les retenir. Al-Isra wa al-Mi'raj. Donc ici j'ai cité certains hadiths authentiques, il y a certains versets coraniques, et il y a le verset coranique de Surat al-Isra, je vous invite à le lire. Donc les premiers versets coraniques de Surat al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala, yani, rappelle ce voyage qui est Al-Isra ou Al-Mi'raj dans Surat Al-Isra. Et ici, il y a eu une chose qui s'est passée aussi concernant le voyage nocturne, et on arrêtera ici, inshallah ta'ala. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu une recommandation. Et le hadith est authentique, est cité dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il est cité dans Sahih al-Jami' et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et il est rapporté par Ani al-Tirmidhi et d'autres. Et il dit, à chaque fois que je passais la nuit de mon ascension nocturne, d'accord, donc al-Mi'raj, par un groupe d'anges, donc pendant cette nuit-là, à chaque fois que je passais par un groupe d'anges, il me disait, c'est-à-dire al-Mala'ika, il disait, fais la hijama au Muhammad. Et dans une autre narration, à chaque fois que je passais la nuit de mon ascension nocturne par un groupe d'anges, il me disait, conseille à ta communauté ou recommande à ta communauté al-hijama ya Muhammad. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique ou avec une bonne chaîne de transmission authentique mais cité dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, apporté par al-Tirmidhi et d'autres, à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam passait par un groupe d'anges, il lui disait, recommande à ta communauté al-hijama. Donc la saignée, vous savez c'est quoi al-hijama, donc c'est faire cette sorte de saignée pour faire yani, évacuer le mauvais sang, d'accord, pour faire évacuer le mauvais sang. Donc ça c'était une recommandation ici des anges au prophète alayhi salatu wassalam pour sa communauté. C'est une chose qu'on ne doit pas négliger. Comme je l'ai dit, si on a le temps, inshallah ta'ala, yani, je traiterai une conférence sur la médecine prophétique. Donc on va parler de l'asal, inshallah ta'ala, de l'huile, de zitzitoun, de yani, le skinjbir, le gingembre, yani, tout ce qui concerne les récits prophétiques authentiques, yani, les paroles des savants, particulièrement celui qui est connu par rapport à ce sujet-là, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah ta'ala, comme vous le savez. À la kulli hal, ici, concernant al-hijama, il y a plusieurs hadiths, je vous cite deux ou trois hadiths, ici à titre de rappel, et on terminera ici, inshallah ta'ala, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc ici je cite certains hadiths concernant l'hijama parce que ça on lui a recommandé la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, rapporté par même al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, les meilleurs traitements de maladies que vous pouvez utiliser sont les vers avant tous, c'est-à-dire l'hijama, d'accord. Certains utilisent les vers, d'autres yani, utilisent yani, d'autres techniques, à la kulli hal. Donc on se comprend. Et ici le récit de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu arda, d'après Asim et Ibn Umar et Ibn Qutada, Jarir ibn Abdillah alla voir yani, Al-Muqanna qui était malade et lui dit, je ne te quitte pas, et le hadith est rapporté par Muslim, je ne te quitte pas avant que tu fasses appliquer des saignées, car j'ai entendu l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam dire que cela consiste un remède, ou ceci est un remède, d'accord, Al-Hijama, donc ceci est un remède. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, et le hadith est rapporté par Muslim, il dit, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui-même se fit mettre des ventouses par Abu Taïba et lui donna pour salaire 2 sa'a de nourriture. Et ceci prouve que quelqu'un qui pratique al-hijama, donc il a droit de prendre ici une compensation, c'est-à-dire une somme d'argent, yani une sorte de salaire. Il n'y a pas de mal. Et le salaire, yani on a droit de le prendre, comme il est relaté dans le hadith long de Muslim, vous le connaissez. On l'a cité quand on a yani, traité le sujet de jurisprudence. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a autorisé yani, aux personnes, aux compagnons qui ont yani, pratiqué al-ruqiyya, al-shar'iyya, donc de prendre un salaire. Donc il n'aura pas interdit sur le fait qu'ils avaient pris yani, certaines bêtes de troupeau yani, en échange parce qu'ils avaient récité surat al-fatiha. Donc ici on a droit de prendre un salaire aussi concernant al-ruqiyya. Et concernant par exemple les autres responsabilités religieuses, yani, il y a une très grande divergence. Concernant Al-Mu'adhin ici, yani, à titre d'indicatif et de rappel, Al-Mu'adhin ici, comme il est relaté dans un hadith authentique, le prophète a dit, choisissez un Mu'adhin qui ne prend pas de salaire. Lakin, mathalan, ala sabil al-mithal, si on dit Al-Imam, est-ce qu'il a le droit de prendre un salaire ou pas? Yani, qawl al-rajih, c'est comme l'a cité Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, car il y a une très grande divergence sur ce sujet-là. Les savants ont dit que si une personne, un imam, prend un salaire pour le travail qu'il fait, d'accord, il dit, moi, donc je fais mes 5 prières, je fais les 5 prières dans une mosquée, donc j'accepte de faire le khutbah de Jumu'ah, donc en échange, donc moi je fais le khutbah de Jumu'ah et je fais ça, je veux 1000 euros par mois. Et il dit, bon, si je rajoute un cours par semaine, je veux 1150 euros. Je rajoute 2 cours, 1250 euros. C'est autorisé ou pas? Halal ou haram? La yajouz, yajouz. Ça c'est un grand sujet de divergence. Grand sujet de divergence entre les 4 grandes écoles des gens. Lakin qawl al-rajih, je cite les paroles de Sheikh al-Albani et d'autres, ils disent, naam, لا يجوز خلاص دونك الامام كيف غا يعيش كيف غا يعيش الامام ها ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك على كل هي خذ 1000 اورو بعدا 1000 اورو ياخذها ما شاء الله ما شاء الله. نعم دونك يجوز أن يأخذ يعني كسب من المال اللي بيبخون يسوم درجة هذا ما شاء الله الدولة أو يعني صديق ونبيت. لكن على كل حال قول الراجح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى il dit que si l'imam il dit je prends de l'argent pour ce que je fais, est-ce que lui il travaille fils abilillah ou pas? Il travaille pas fils abilillah. Si moi je dis je prends de l'argent pour faire la prière, je prends de l'argent pour faire da'wah, je suis plus fils abilillah. Lakin إنما الأعمال بالنيات. Il dit si il prend de l'argent, c'est pas parce qu'il fait da'wah. Lui, avec argent ou sans argent, il fait da'wah. Lakin parce que ça lui prend du temps. Et donc, il a plus le temps d'aller travailler et de gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Yani, c'est par le temps, par rapport au temps, yani, qui lui est pris. Parce que si un imam, je ne dis pas simplement il fait les cinq prières, mais yani, il organise, et un imam, en général, son rôle d'imam, et avec le plus grand des regrets, au jour d'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. L'imam, ce n'est pas simplement quelqu'un qui préside les prières. Un imam, c'est lui qui réconcilie entre les gens. Un imam, c'est lui qui intervient s'il y a besoin de ruqya shar'iyya. Un imam, c'est lui qui conseille la communauté. Un imam, c'est lui qui fait les khutab. Un imam, c'est lui qui fait vivre la communauté dans le bien. Et pousser et avancer la communauté vers le bien. Yani, si on appelle à 2h du matin un imam, eh ben, dirait, khoya, moi j'ai terminé mon travail à 6h du soir. La ya'ana khoya. C'est pas une entreprise. Un imam, il doit être là, présent, ici, pour soulager la communauté. C'est lui qui doit remonter le moral et faire avancer la communauté de l'avant. C'est lui qui fait animer ici vers le bien et dans le bien les gens dans l'endroit où il est, où il vit. Alhamdulillah. C'est pour ça que certains savants, et comme l'a mentionné Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et d'autres, ils disent quand on leur a interrogé, est-ce qu'on peut prendre des imams différents dans la même mosquée pour les khutab de Jumu'ah? Yani, ils ont dit, ils ont conseillé non. Pourquoi? Parce que l'imam, quand il vit dans une ville, il connaît la situation des gens. Donc lui, il va adapter sa da'wah par rapport à la situation des gens. S'il voit qu'il y a une maladie particulière dans une ville, lui, il sait qu'il faut parler de ça. Et en plus de ça, s'il y a un imam dans une mosquée, donc lui, il sait qu'est-ce qu'il a déjà dit comme prêche. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a le prêche dernier, il a parlé par exemple de taqwa. Il y a deux prêches, il a parlé de l'ihsan. Il y a trois prêches, il a parlé de l'hasan. Donc il ne va pas répéter les choses. Tandis que si on fait changer d'imam, peut-être ils vont répéter la même chose. Il va faire un khutbah, l'imam il l'a fait la semaine dernière. Et peut-être qu'il va dire des choses alors que ce n'est pas le plus important, yani, ou yani concernant les personnes qui sont en face de lui. Eux, il sait que l'imam, par exemple, qui vit dans une ville, il entend que sihr s'est répandu grave. Il va insister sur sihr. Il va entendre que ici il y a une maladie particulière. Il va insister sur ça. Donc il connaît l'imam est comme un père. Il connaît la situation des gens, de façon générale, bien sûr, dans la ville. Pourquoi? Parce qu'un imam, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Se consoler chez lui, rapporter leurs problèmes. Donc il connaît la situation et les maladies des gens. Donc il parle de façon générale sans citer les noms des gens. Wal'iyadu billah, sufaq al-mimbar. Il sait pas le nom. Mais yani, il fait an-nasiha, ad-din an-nasiha, comme qala alayhi salatu wa salam. Ala kulli hal, on en revient concernant le fait de payer une personne. Comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit, si c'est parce qu'il prend beaucoup de temps, et bah, il fait que 5 prières. Parce qu'il y a beaucoup de mosquées, l'Asaf Shahi, il fait que les 5 prières, le khutbah. Dis-moi, je veux de l'argent. Si j'ai pas d'argent, vous me donnez pas une augmentation, j'arrête de travailler. A'udhu billah. On te donne ou on te donne pas, tu fais da'watu illallah azza wa jal. Qu'on te donne ou qu'on te donne pas. Lakin, si une personne, il a plus de temps, et qu'une somme d'argent lui est donnée, mais lui, il sait dans sa tête, qu'on me donne ou qu'on me donne pas, je continue à da'watu illallah. Lakin, je veux une somme d'argent parce que je n'ai plus le temps pour faire autre chose. Il va manger quoi? Il va manger de tarab. Il va manger comment? Il va faire pour lui. Donc, il y a pas de mal. La haraj, inshallah ta'ala. Walakin, qawlu rajih, la parole prépondérante, et même, on va dire même, la parole à l'unanimité des savants, le mieux, al-awla, wal-afdal, wal-ahsan, ce qui est prioritaire. Et le mieux, c'est qu'il ne prenne rien du tout. S'il a les capacités de se dépendre de lui-même, qu'il le fasse. C'est ça le musulman. Il ne demande rien à personne. Il se débrouille tout seul. S'il a les possibilités, il y a année de travailler tout seul, de faire un commerce, de faire autre chose, pour faire une entrée d'argent, c'est le mieux. S'il n'a vraiment pas le choix, et il est vraiment actif, la haraj, lakin, c'est dans l'attention que par quoi? Parce que son temps est pris, et il n'a plus le temps de faire autre chose. C'est pas parce qu'il fait le travail. Ça veut dire, si je rajoute un truc, je veux une augmentation. Hasha wa kalla. On revient rapidement et on termine avec ce hadith, inshallah ta'ala. Donc il dit, je ne te quitte pas. Non, on était dans notre hadith, hein, na'am. Donc l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa salam, se fit mettre des ventouses. Donc on parle de l'hijama. Par Abu Taïba, et lui donna pour cela un salaire. Pourquoi tu lui as donné un salaire? Deux sa. C'est quoi un sa? Deux sa de nourriture. C'est quoi la quantité du sa? Quatre moud. Et c'est quoi un moud? C'est une poignée, deux poignées comme ça. D'accord, c'est un moud. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il faisait le wudu avec quoi? Il faisait quoi? Avec un sa ou avec un moud, avec quatre moud, avec quoi? Avec un sa, un moud. Avec un sa, les ablutions. D'accord? Et avec un mood. Moi, j'ai mis le wushwas un peu, hein. Donc, c'est enregistré, mais je revérifierai. Mais Allah c'est un mood. Maxi 4 mood. Mais Allah c'est un mood. Yani, un sa'a les ablutions et un mood. D'accord? Faites-moi rappeler pour que je vous confirme, hein. C'est un mood. Yani, il faisait le prophète, alayhi sallam, al-ghusl, un mood. Comme ça. Deux ou quatre mood. Mais je crois que c'est quatre mood. Je vous confirmerai. Ou quatre mood et un sa'a. À la koulihal, c'est une petite quantité d'eau. Petite quantité d'eau. Et là, je fais la recommandation à moi-même. Ça, bittifaq al-ulama. Al-israf, filma, minisba al-wudu, concernant les ablutions, لا يجوز حرام c'est interdit et c'est haram c'est illicite d'accord le fait de gaspiller de l'eau pour les ablutions moi je vous recommande et je vous conseille et à un moment le premier demain inchallah je vais le faire demain inchallah je vais le faire d'accord نسأل الله عز وجل لا يجعلنا مما يقول ولا يفعل demande à Allah pas de faire de nous des gens qui parlent et qui disent pas de prendre une petite sorte de bassine tu l'achètes 1 euro mal un plaisir ou autre machallah tu prends une bassine chez toi tu la mets tu remplis un peu d'eau et alhamdoulilah, tu fais les ablutions. Tu vas faire une économie d'eau et tu tabaqas sunnah. Comme le prophète alayhi salam, nous on ouvre le robinet à fond et on laisse couler des litres et des litres d'eau. Alors que le prophète alayhi salam faisait les ablutions avec une petite quantité d'eau. D'accord? Je reconfirme ici, hein. Yani, demain, inshallah ta'ala, la quantité. D'accord? À la koulihal, deux sortes de nourriture, ordonna à ses maîtres de diminuer la redevance qu'il exigeait de lui et dit le remède le plus approprié, c'est l'application de al-hijama, des ventouses, ou c'est votre meilleur remède, rapporté par l'imam muslim, c'est votre meilleur remède. Ceux qui ont l'occasion de faire l'hijama, moi je vous recommande fortement de faire yani al-hijama et inshallah ta'ala, quand je vous ai dit yani, on fera prochainement une conférence et je vous dirai bien, on parlera dans l'état de l'hijama et elles sont pratiquées le 19, 17, 19, 21 de chaque mois, yani date hijri bien sûr, d'accord, 17, 19 et 21 de chaque mois, ça c'est la sunna 17, 19 21 de chaque mois du calendrier bien sûr lunaire. Celui qui le fait en dehors comme les savants dit, s'il a une maladie et il le fait à cause de sa maladie, la haraj. La kina sunna de 17, 19, 21 de chaque mois. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.